2032, déploiement opérationnel d'implants cérébraux pour les soldats. Quelques années plus tard, à Malte, ce réseau neural est piraté et l'ensemble des bâtiments militaires basés à La Valette tombent aux mains d'un groupe de néo-pirates menés par Alia En Saadi, leur leaduse. Été 42, 2042, le nouveau lanceur d'Ariane s'apprête à décoller pour mettre en place les premiers éléments du futur ascenseur spatial européen. Mais la base de Kourou est prise d'assaut par une multitude d'individus, des apatrides, qui se revendiquent comme membres d'une nouvelle nation, la P-Nation. Deux scénarios produits par un groupe d'auteurs de SF recrutés par l'armée pour envisager les conflits du futur, la Red Team. Red Team, l'ASF au rapport, c'est le programme militaire qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour tout savoir de cette équipe qui a pour mission de pousser l'armée française dans ses retranchements et qui se prête à dessiner les contours de ces jeux de guerre d'un genre nouveau, nous avons le plaisir de recevoir deux des membres de la Red Team. Laurent Genefort, bonjour. Bonjour. Voilà, auteur de science-fiction, faut-il encore citer le cycle de Bâle ? On peut toujours, parce que c'est essentiel de l'avoir lu. C'est au Bélial, mais on peut également citer plus récemment votre recueil de nouvelles Colonies, toujours au Bélial, ou L'espace entre les guerres, c'est aux éditions Critique. Xavier Mauméjean, bonjour. Bonjour. Bonjour, vous êtes auteur d'Henri Darger dans les royaumes de l'irréel, c'est aux éditions Les Forges de Vulcain, et un membre non pas de la Red Team, mais de la White Team, c'est Fabienne Casoli, bonjour. Bonjour. Vous êtes astronome et présidente de l'Observatoire de Paris, Paris Sciences et Lettres. Vous n'expliquerez quel est votre rôle dans cette organisation. Mais on commence par le tour de l'actualité des sciences et de la science-fiction en deux temps et sans faux col avec Antoine Beauchamp. Pour le Journal des Sciences d'abord, bonjour Antoine. Bonjour Nicolas. Et pour commencer, ce journal, l'homme de Denisova était bien présent en Asie du Sud-Est, Antoine. Oui, c'est ce que montre une étude parue dans Nature, Ecology and Evolution. Pour parvenir à ce résultat, les chercheurs ont analysé le génome de plus de 400 personnes vivant aujourd'hui, dont 200 en Asie du Sud-Est, à la recherche de séquences ADN caractéristiques des espèces anciennes d'hominidés. Les résultats apportent la preuve génétique que les humains modernes, les Homo sapiens, se sont mélangés avec des humains denisoviens en Asie du Sud-Est. Dans le même temps, cette étude démontre que les Homo sapiens ne se sont pas accouplés avec les autres espèces du genre Homo découvertes dans la région, Homo floresiensis découvert en Indonésie et Homo luzonensis découvert récemment aux Philippines. Les auteurs de cette étude restent très intrigués par un autre élément. On n'a toujours pas retrouvé de fossiles d'hommes de Denisova en Asie du Sud-Est. Pour l'instant, les seuls fossiles connus de cette espèce ont été découverts en Sibérie et au Tibet. L'équipe de recherche avance donc une hypothèse pour expliquer cette absence de fossiles de Denisova en Asie du Sud-Est. Pour eux, il est possible que la diversité de taille chez les Denisoviens ait été plus importante que ce qu'on estimait jusqu'alors. Cela signifierait qu'on aurait peut-être déjà découvert des fossiles de Denisoviens dans la région, mais qu'on les ait attribués à d'autres espèces. Ce mystérieux Denisovien du Sud vient une nouvelle fois souligner l'intérêt majeur que représente aujourd'hui l'Asie du Sud-Est dans la région en paléoanthropologie. Voilà, et puis comme tous les jours, vous le savez, vous qui nous écoutez avec assiduité et régularité, vous pouvez retrouver toutes ces études du Journal des Sciences ainsi que un certain nombre de liens postés en direct par Noémie Naguette-Saint-Vulfranc sur notre fil Twitter @laméthodefc. En bref, préhistoire toujours, des artefacts en pierre d'au moins 24 000 ans ont été découverts au Brésil, Antoine. Et on doit cette découverte, entre autres, à l'équipe de l'archéologue français Éric Boeda. L'un de ces 2200 artefacts mis au jour à Valle de Pedra Furada est particulièrement exceptionnel, puisque la façon dont il est taillé témoigne de caractéristiques techniques inconnues jusqu'alors dans les sites paléo-américains. Si l'aspect intentionnel de cette pierre taillée est incontestable, les archéologues s'interrogent pour l'instant sur sa fonction. S'il est possible que ce soit un simple objet d'usage, les chercheurs penchent plutôt pour un objet à fonction de signe. En attendant, cet artefact est le plus ancien, si ce n'est le plus ancien, issu de production d'objets bifaces en Amérique du Sud, et vient confirmer l'existence d'occupations humaines il y a au moins 24 000 ans en Amérique du Sud. On rappelle que le consensus scientifique veut que l'Amérique du Sud ait été peuplée il y a moins de 15 000 ans. Cette découverte pourrait donc permettre de revoir ce scénario. Des chercheurs suggèrent que des restes de Theia seraient enfouis sous la Terre. Théia, c'est le nom donné à cette protoplanète hypothétique qui serait entrée en collision avec la Terre il y a 4,5 milliards d'années, collision dont les débris auraient donné naissance à la Lune. Une équipe de chercheurs de l'Université d'Arizona vient d'émettre une hypothèse audacieuse pour les uns, un peu folle pour les autres. Si Théia a bel et bien existé, on pourrait en trouver des traces dans le sous-sol terrestre, et plus précisément dans deux couches de roches de la taille d'un continent, enfouies dans le manteau terrestre. Ces couches connues des sismologues sous le nom de grandes provinces d'anomalies des vitesses sismiques d'ondes de cisaillement ont la capacité de ralentir brusquement les ondes sismiques qui les traversent. Elles s'étendent sur plusieurs milliers de kilomètres, quelque part à environ 2900 mètres sous l'Afrique de l'Ouest et l'océan Pacifique. Reste maintenant à savoir comment on pourra aller aussi profond dans le manteau pour valider ou invalider cette hypothèse. Cette semaine, dans le journal des sciences, Antoine, il a été question d'animaux domestiques et de souris contaminées par les variants du SARS-CoV-2, d'une découverte intrigante au CERN qui pourrait ouvrir la voie à une nouvelle physique, de l'inefficacité de l'ostéopathie pour traiter les lombalgies et de la flambée des contaminations du Covid-19 chez les enfants, mais également cette semaine dans l'actualité scientifique, Antoine, et en ultra bref. La découverte d'un fossile au Canada vient relancer le débat autour de la date de l'apparition des céphalopodes sur Terre. Si ce fossile en forme de cône est bel et bien une forme primitive de céphalopode, nos amis les poulpes et autres calmars auraient des ancêtres âgés de 522 millions d'années, soit 30 millions d'années de plus qu'estimés jusqu'alors. Une étude du CNRS montre que les océans se mélangent beaucoup moins que prévu sous l'effet du changement climatique. Comme un cercle vicieux, le ralentissement de cette dynamique de brassage des eaux diminue les effets de l'océan dans l'atténuation du changement climatique. Une étude préclinique met en lumière un nouveau candidat dans la lutte contre le Covid-19. Mis au point par une équipe de l'Université d'Amsterdam, ce candidat vaccin protéique est composé de nanoparticules portant plusieurs protéines spike du virus SARS-CoV-2. L'étude préclinique montre que le candidat vaccin induit de fortes réponses immunitaires chez les modèles animaux utilisés. Reste maintenant à prouver que ces effets se retrouvent en expérimentation clinique sur l'être humain. Et enfin, ce week-end se tient comme chaque année le SIDAction. Dans ce contexte de crise sanitaire qui a vu le nombre de dépistages décroître, les chercheurs et les associations alertent sur un risque de reprise de l'épidémie de VIH-SIDA. Vous pouvez envoyer vos dons en vous rendant sur le site don.sidaction.fr. Voilà, dans quelques instants, on va parler de conflictualités futures, de scénarios de science-fiction pour l'armée française. Mais avant cela, on fait un tour par le journal de l'ASF. Et on commence ce journal de l'ASF avec un sujet assez fou, Antoine. Dans les années 1980, la CIA a embauché un médium pour entrer en contact avec les martiens du passé. Oui, la déclassification des archives de la CIA donne toujours lieu à de grands moments. Dans ces archives, un document intitulé « Mars Exploration Intrigue ». On y apprend qu'en 1984, en pleine guerre froide, les services secrets américains recouraient activement au médium pour explorer la planète Mars, notamment telle qu'elle était il y a 1 million d'années. On y retrouve entre autres une conversation entre un agent de la CIA et un médium qui a eu lieu le 22 mai 1984. Alors avant d'en arriver à la description des martiens, et parce que la méthode scientifique c'est notre dada, il faut expliquer le protocole. Les agents de la CIA se sont assurés des pouvoirs du médium en lui donnant une enveloppe fermée dans laquelle se trouvaient les coordonnées de l'endroit sur Mars dont il devait parler, sans bien sûr qu'il puisse ouvrir l'enveloppe. À l'intérieur de l'enveloppe se trouvait donc un papier avec quelques phrases. Mars, le temps d'intérêt environ 1 million d'années avant notre ère, 40,89 degrés de latitude nord et 9,55 degrés de longitude ouest. Le médium a réussi à lire le contenu de l'enveloppe sans l'ouvrir et a donc prouvé ses capacités aux agents des services secrets américains. Puis est venu le moment de la transe du médium. Il a déclaré qu'il voyait sur la surface de la planète rouge des gens longs et fins. Je le cite. « Ils sont très grands et maigres. Je ne vois que des ombres. Ils habitent dans des pyramides de fer. Ils ne vont pas bien. Ils sont en train de mourir. » Maintenant, ils ne sont plus là. Fin de citation. On croise maintenant les doigts pour que le rover Persévérance trouve des traces de ces pyramides martiennes. Comme quoi, la science-fiction, la science, les services secrets, on est dans le thème de l'émission du jour, on va en parler dans un instant. En bref, Antoine, une vaste méta-analyse affirme que la 5G n'est donc pas dangereuse, en tout cas au-dessus de 6 GHz. Ce sont même deux vastes études conduites par des équipes de recherche en Australie qui sont parvenues à ces conclusions. Les deux méta-analyses ont passé en revue 138 études réalisées sur le sujet et réanalysé 107 expériences à la recherche des dangers possibles liés aux fréquences des ondes au-dessus de 6 GHz. Plusieurs effets ont été scrutés, comme la génotoxicité, l'apparition de mutations, l'expression des gènes, la prolifération cellulaire ou encore la fonction des membranes. Conclusion, il n'existe aucun danger pour les personnes qui seraient exposées à ces ondes. Qu'en est-il de la bande des 3,5 GHz considérée comme la plus stratégique pour la 5G et qui est la bande privilégiée en France? On ne peut pour l'heure pas extrapoler les conclusions des études australiennes au réseau 5G français. Un rapport de l'Agence nationale de sécurité sanitaire sur le sujet devrait être publié dans les prochains mois. Le premier quartier entièrement imprimé en 3D va voir le jour en Californie. Oui, ce premier quartier résidentiel entièrement imprimé en 3D devrait voir le jour aux abords de la ville de Palm Springs. L'office du tourisme de la ville décrit ce quartier à venir comme un mirage moderniste au milieu du désert, un véritable écrin de verdure au cœur de la vallée de Coachella. Les prix pour une maison aux structures modulaires entièrement imprimées en 3D iront de 595 000 à 950 000 dollars. L'impression 3D est de plus en plus considérée comme le meilleur moyen de réduire les déchets de chantier. La campagne de financement pour la maison de Tolkien a échoué. Oui, cette campagne de financement participatif pour rénover la maison d'Oxford de Tolkien et en faire un centre dédié à l'auteur du Silmarillion, de Bilbo le Hobbit ou du Seigneur des Anneaux a échoué. La campagne n'a pas atteint les 4,5 millions de livres sterling espérés. Le projet ne tombe pour autant pas complètement à l'eau. Un nouveau financement participatif vient d'être lancé en ligne pour dédier un centre littéraire Tolkien, cette fois dans le centre-ville d'Oxford. Après La Servante Écarlate, une nouvelle œuvre de Margaret Atwood va être adaptée en série. C'est ce que vient d'annoncer la plateforme de streaming Hulu en même temps que cette plateforme annonce une cinquième saison de La Servante Écarlate. Il s'agira d'une adaptation de la trilogie Dernier Homme de Margaret Atwood et plus spécifiquement du dernier tome intitulé Mad Adam. L'histoire est la suivante. Dans un monde apocalyptique, une peste créée par l'homme a ravagé la Terre et les rares survivants ont formé une communauté avec une espèce inoffensive fabriquée pour remplacer les humains. Les humains essaient de transmettre leur mémoire aux représentants de cette espèce et posent les fondements d'un monde nouveau. Et comme chaque vendredi, on termine notre tour d'horizon de l'actualité scientifique et de la science-fiction par la rubrique de science improbable. Et cette semaine, on va comprendre pourquoi plus un vin est cher, plus les gens l'apprécient. Oui, on trouve l'explication dans une étude parue dans la revue Food Quality and Preference qui démontre une fois de plus que le prix influence notre perception du goût pour le vin. Pour parvenir à ces conclusions, une équipe de psychologues a examiné les résultats d'une dégustation organisée à l'université de Bâle en Suisse. Elle réunissait plus de 140 dégustateurs à l'aveugle. Tous avaient reçu 3 vins italiens, signalés comme étant peu, moyen ou cher. Certains portaient un prix véridique ou trompeur de 10 dollars, 35 dollars ou 70 dollars. D'autres vins n'avaient quant à eux aucune indication de prix. Lorsqu'on leur a demandé d'évaluer l'intensité des vins, les notes des participants étaient largement corrélées au prix. Mais lorsqu'on leur a demandé d'évaluer le côté agréable ou suave des vins, les choses ont pris une autre tournure. Quand on leur a menti sur les vins bon marché en leur disant qu'ils étaient 4 fois plus chers, les dégustateurs les ont jugés plus agréables. Cependant, lorsque les vins les plus chers étaient présentés comme ne coûtant que la moitié du prix, le côté suave n'était pas vraiment remarqué. Nicolas, vous pouvez donc continuer de transvaser allègrement votre piquette dans des bouteilles vides de Château Pétrus. Vos invités n'y verront que du feu. Eh ben, vous allez voir au prochain dîner de la méthode scientifique. On pourra se revoir. Ce sera vieux pape pour tout le monde. Merci beaucoup, Antoine, pour ce journal des sciences. Vous retrouverez Natacha Triou à partir de lundi. Vous pouvez, comme toujours, nous parler, retrouver d'autres liens, les liens vers les études sur notre fil Twitter @laméthodefc. Puis vous pouvez même faire quelque chose d'assez amusant. Maintenant, vous pouvez écouter l'émission en jouant au Big Go, puisque un auditeur fidèle, Aris Adamantiadis, a proposé un bingo de la méthode scientifique. On va vous le poster. Vous pouvez donc cocher les cases en fonction de mes expressions systématiques, mes petits tics de langage. Voilà, c'est une façon de s'amuser en apprenant en quelque sorte. Cadeau. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Tout commence le 11 juillet 2019 avec la publication d'un document d'orientation intitulé « Imaginer l'au-delà » et un projet lancé par Emmanuel Chiva, qui est le directeur de l'Agence de l'innovation et de défense. Il s'agit donc de recruter une red team, une équipe rouge, soit 4 à 5 personnes chargées de proposer des scénarios disruptifs sur le modèle de ce qu'avaient fait les États-Unis dans les années 70. L'armée française cherche donc à recruter des auteurs et des autrices, mais aussi des scientifiques pour concocter des scénarios de conflictualité future, originale, en dehors des clous, en gros, tout ce que l'armée elle-même n'est pas en mesure d'envisager dans ses schémas de prospective. Cette Red Team sera lancée un peu plus d'un an plus tard, après une saison zéro où plusieurs scénarios tests ont été produits sur le thème de la piraterie. Je vous propose d'écouter la ministre des Armées le 14 décembre dernier, Florence Parly, et le commentaire de son intervention. C'est un projet très sérieux qui s'inscrit dans une démarche de prospective complémentaire aux travaux que mène le ministère des Armées dans ce domaine. Je suis donc très fière de présenter aujourd'hui la Red Team, unique en Europe, pour imaginer les menaces auxquelles nous serons confrontés en s'affranchissant des méthodes de prospective traditionnelles. Dit comme ça, ça fait un peu Koh-Lanta. Eh ouais, et pourtant, c'est très sérieux. Alors, ils ont voulu rendre le résultat hyper concret. Regardez, par exemple, cette image. Ils ont imaginé Alia, qui, dans les années 2030, est une pirate recherchée dans le monde entier. Elle est déclarée morte et finalement, elle décide de parler à la télévision. Il y a beaucoup de scénarios autour des pirates. Et vous allez voir, on dirait vraiment des films de science-fiction. Un autre scénario, des pirates qui sont contre le fichage de la population. Rapidement, une puce contient toutes les données médicales, financières et civiles de son porteur. Ceux qui la refusent pour des raisons idéologiques deviennent apatrides et se réfugient sur les côtes, s'ajoutant aux réfugiés climatiques. La première nation post-territoriale émerge, la P-Nation, ou Nation Pirate, qui a pour elle le nombre et la débrouille. Elle prend la forme d'un réseau d'embarcations capable de s'assembler pour former des villes flottantes. C'est pas Netflix, mais c'est bien l'œuvre de l'armée française. Alors là, par exemple, on est en 2040 et si vous regardez la suite de la vidéo, il y a un scénario autour d'un ascenseur spatial. Alors, ce que je vous montre ce matin, c'est un tout petit morceau de leurs travaux, car la plupart de leurs travaux sont et resteront classés secret défense. Voilà, P-Nation, c'est le scénario auquel vous avez collaboré. Laurent Genefort, une réaction, en fait, peut-être juste pour nous expliquer qu'est-ce que c'est exactement que ce projet. On voit qu'effectivement, ça a été très bien storytellé, comme on dit, ça a été très bien raconté, on a des vidéos, ça a été très très, il y a eu beaucoup de communication autour de ça. Qu'est-ce que c'est in fine que cette Red Team exactement? La Red Team, bah, en fait, c'est comme ce qui a été dit, c'est-à-dire imaginer des scénarios futurs pour challenger l'armée, parce que le but de la Red Team, c'est un peu d'ailleurs sa définition. La définition de la Red Team, c'est de mettre à l'épreuve. On est les méchants dans ces propositions de scénarios. On incarne ceux qui vont attaquer l'armée française et ses intérêts, c'est-à-dire les nôtres. Xavier Mauméjean. La même chose, je dirais que la Red Team doit provoquer des crises, elle doit faire un pas de côté par rapport à ce que peut prévoir le ministère des Armées, en tout cas les services concernés, et il faut prévoir l'imprévisible en fait. On est là pour propager le chaos, disons. Ce qui est toujours, c'est toujours amusant de jouer à détruire un château, même qu'il soit en sable ou en bois. Mais alors, il y a la Red Team, mais il n'y a pas que la Red Team. On l'a dit tout à l'heure, Fabienne Casoli, vous êtes astronome, directrice de l'Observatoire de Paris. Vous n'êtes pas autrice de science-fiction, même si vous êtes, je crois, une amatrice de science-fiction. Vous ne faites pas exactement partie de la Red Team. Quel est votre rôle dans cette organisation? Je fais partie de la White Team. Alors la White Team, on pourrait dire que c'est une sorte de comité scientifique, un comité éthique, qui est là plutôt comme ange gardien du processus. D'abord, on a participé au moment de la proposition du dépôt de projet, on a validé la sélection des auteurs, des membres de la Red Team. Mais aussi, on est là pour regarder comment se passe le processus, vérifier que les auteurs de la Red Team sont libres de proposer, donc garantir cela, garantir la transparence du projet, transparence autant que peut se faire, puisque certaines productions seront classifiées. Et puis aussi, comme c'est un projet qui a été proposé par une université, l'université Paris Sciences et Lettres, on voit aussi que qu'il y a un aspect recherche, un aspect création scientifique, artistique aussi dans ce projet. Donc c'est à nous de, disons, de d'orienter dans ce sens-là. Et voilà, donc c'est un projet qui est porté par une université, c'est quand même assez spécifique. Hein. C'est-à-dire, alors justement, quel est le rôle de PSL, de Paris Sciences et Lettres? Parce qu'il y a eu effectivement un appel à projet, il y a des opérateurs privés qui ont répondu, finalement c'est un opérateur public qui a emporté l'appel d'offres. Qu'est-ce que c'est exactement que le rôle de PSL là-dedans, Fabienne Cazoli? PSL là-dedans, c'est un laboratoire d'idées. On est une université très pluridisciplinaire avec des composantes comme l'Observatoire de Paris, comme les mines, comme l'École normale supérieure, comme l'Université Dauphine, avec des gens qui sont intéressés par ce projet, mais qui peuvent être philosophes et qui peuvent être astrophysiciens comme moi, qui peuvent être sociologues, des personnes qui travaillent en théorie du management, des organisations. On a même des personnes qui utilisent les œuvres de science-fiction pour faire des recherches sur le fonctionnement des organisations. Donc, on a vraiment toutes sortes de compétences. Et vous verrez que dans un des scénarios, l'ascenseur spatial, le fameux ascenseur spatial, utilise un câble dont le matériau a été développé et inventé par l'École des mines. Évidemment, ça peut être que les mines, la PSL, qui a inventé ce matériau. Un mot peut-être sur cette organisation, Laurent Genefort. Le fait que le projet soit porté par un acteur public, c'était important pour vous y participer? Oui, pour moi oui, d'abord parce que il y a eu donc plusieurs opérateurs qui ont candidaté et il y a une sorte de saison démo. La saison zéro. Même avant. Avant en fait, ça, d'accord. Okay. Où a été sélectionné en fait l'opérateur et c'est PSL qui l'a emporté. Mais moi j'étais justement dans l'équipe déjà proposée par PSL en fait. D'accord. Mais c'est parce que je viens de l'université, et c'est un peu mon ADN. Pour moi, je viens du public et je suis attaché au public. En fait. Mais alors justement, racontez-nous. Laurent Genefort, comment est-ce que vous avez été approché? Comment vous êtes rentré dans ce projet-là et quelles sont les raisons qui vous ont poussé à accepter ce projet et de participer à cette prospective futuriste pour l'armée française? J'y suis entré un peu par hasard en fait. C'était aux Utopiales, au Festival des Utopiales qui a lieu à Nantes. Il y a eu une sorte de petite expérience. France Culture et peut-être scientifique en particulier, bien sûr. Il y a une petite expérience, un petit atelier qui s'est créé un peu de façon impromptue un après-midi et on m'a demandé dans un couloir, est-ce que ça t'intéresse d'aller confronter ça avec des officiers, un scénario. J'ai dit, ouais, bah, tiens, ça a l'air cool. Mmh. Voilà, j'y suis allé, ça a bien percuté et puis du coup ça a donné envie à Emmanuel Kiva en fait qui était l'initiateur de ça, de créer la Red Team en fait. C'est parti de ça et moi je me suis posé des questions hein, parce que c'est pas du tout ma culture. L'armée, j'y connais rien du tout. Et j'étais pas du tout ni au niveau familial ni au niveau même culturel en fait. J'étais familier de ça. Et finalement, justement en fait, c'est la curiosité à la fois à l'égard du contenu parce que le thème de la guerre et de la conflictualité, c'est au cœur de la science-fiction. Ça fait partie du moteur depuis la guerre des mondes. Donc ça fait partie des grands thèmes de la SF. Donc ça m'intéressait de traiter ça en tant que thème. Et puis ça m'intéressait c'est la curiosité par rapport à l'institution, parce que c'est une institution publique qui est dépositaire de la violence publique. Donc c'est quelque chose de lourd. Et je me suis dit, moi qui n'écris que de la fiction, qui n'a pas d'impact direct sur la société, si ce n'est ouvrir l'imaginaire et jouer avec l'imaginaire, mais je me suis dit, ce qui est déjà un impact important, par ailleurs. Mais relativement innocent. Et je me suis dit, c'était une façon de se colter avec la réalité. Et puis le côté juste voyage scolaire, d'aller voir à l'intérieur de quelque chose que peu de gens voient. Et j'ai pu bénéficier de sortes de voyages scolaires comme ça qui m'ont appris beaucoup de choses en fait. C'est-à-dire que la curiosité. Les membres de la Red Team, on va en reparler. Hein, vous avez été emmené par l'armée, vous avez pu voir un certain nombre d'installations, de dispositifs. On va revenir là-dessus. Xavier Mauméjean, vous, comment avez-vous été approché et quelles sont les raisons qui vous ont convaincu de participer à ce projet? Alors moi, c'est Roland Lehoucq, que vous connaissez très bien l'émission. Aussi. Il m'avait dit de postuler, d'envoyer un CV et une lettre de motivation, ce que j'ai fait. Et puis j'ai été contacté par un couple de deux agences, Mekinoff et Making Tomorrow, qui ont donc répondu à l'appel d'offres et qui ne l'ont pas remporté. Mais vous savez, c'est un peu comme Dans le pré-générique de Mission Impossible, Jim Phelps y réorganise son équipe pour chaque mission. Et donc, on s'est retrouvé avec mes camarades DOA et Xavier Dorisson dans l'équipe générale de PSL, ce dont on est ravis. Alors ça, c'est pour l'arrivée dans le projet. Quant à mes motivations, elles sont en fait très simples. Déjà, je suis enseignant, donc je suis serviteur de l'État. Et puis, c'est le côté Jean-Jacques Rousseau, révolutionnaire de 1789. Un citoyen, ça a des droits, mais ça a aussi des devoirs. Si les droits sont assurés par l'État, le contrat social justifie la réciprocité. Donc, si on peut assurer certains devoirs à notre modeste niveau, c'est tout à fait normal. Fabienne Cazoli, vous, comment êtes-vous entrée dans ce projet? Eh bien, c'était au moment de la formalisation la proposition l'an dernier au printemps. Donc moi, j'ai pris la présidence de l'Observatoire de Paris en mars, une période un peu difficile. Et quand on m'a proposé de participer à cette white team, j'ai trouvé ça, comme a dit Laurent, j'ai trouvé ça cool. Je trouvais que voilà, c'était vraiment ça a changé quoi comme idée. Après, vis-à-vis de l'armée, j'ai pas particulièrement de sympathie pour l'armée, mais je sais que les armées en général ont des méthodes de management assez innovantes, même plutôt innovantes, et sont en avance dans ce domaine. Le côté science-fiction, évidemment, m'a plu, puisque je lis pas mal de science-fiction. Et puis, je sais que la SF façonne beaucoup notre imaginaire collectif, aussi l'imaginaire des scientifiques. Donc, c'était intéressant de voir le lien qu'on pouvait avoir avec ces auteurs de science-fiction, ces auteurs illustrateurs. Donc, l'ensemble du projet, j'ai trouvé ça vraiment... ça m'a beaucoup plu, quoi. Voilà. C'est assez intéressant parce que quand on a annoncé que nous allions faire, ça fait longtemps que le sujet était dans les tuyaux de la méthode scientifique. Et c'est vrai que quand on a annoncé qu'on allait faire cette émission, j'ai assisté moi-même assez surpris à des commentaires parfois un peu acerbes ou méfiants. Et il faut dire que ça a suscité, et en se penchant dessus, des réactions parfois assez vives. Il faut reconnaître que la SF est en règle générale un milieu qui n'est pas souvent très tendre avec l'armée, qui est pas très très pro-militariste. J'ai été aussi surpris de voir que deux des auteurs ont préféré garder l'anonymat et rester sous pseudonyme. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que ça suscite? Je sais que ça a fait pas mal de raffus aussi autour de vous, Laurent Genefort. Ça a poussé à quitter certains groupes, que vous avez été invectivé. Comment est-ce que vous maîtrisez cela? Est-ce que vous assumez cette position? Comment est-ce que vous avez vécu finalement cette tourmente? Moi personnellement, je l'ai assumé complètement de A à Z. À partir du moment où je m'inscrivais, voilà. Enfin c'est mon positionnement. Ça a toujours été mon positionnement. Dans l'absolu, en fait, je trouve que la contestation, justement, de la participation d'auteurs à un groupe comme ça, je la trouve d'abord saine et souhaitable. Et c'est un bon indicateur qu'on est dans une démocratie. Donc sur le principe, j'y vois vraiment aucun problème, et je trouve ça même plutôt bien et de bon aloi sur une société qui s'interroge justement sur ses institutions, sur le fait sur le rôle de l'imagination aussi dans ce cadre-là. Donc sur le principe, il n'y a pas de problème. Moi, c'était plutôt sur les méthodes qui sont qui sont celles qu'on retrouve souvent sur les réseaux sociaux d'un je sais pas comment on peut appeler ça, d'un néo-militantisme qui parfois dépasse un peu les bornes au niveau des attaques personnelles, mais c'est finalement, en fait, je les remercie plutôt de ce qui s'est passé, parce que le fait d'avoir à quitter Facebook, finalement, moi, ça m'a fait gagner une heure par jour, donc en fait je les remercie, en fait. Mais voilà. c'est tout de même assez fort que cet emballement, où on sait que les réseaux sociaux sont promptes à l'invective, oui, parfois oui, un peu épaisse et parfois assez douloureuse, enfin on peut le dire, hein, pour en avoir tous été victimes à un moment donné ou à un autre, que ça vous ait poussé à quitter tout de même les réseaux sociaux, c'est pas anodin. Non, c'est pas anodin, mais ça remet juste en cause les réseaux sociaux, en fait, dans l'histoire. C'est juste qu'il y a un problème avec les réseaux sociaux, pas avec les gens, en réalité. Xavier Mauméjean, comment est-ce que vous avez vécu cela et cette éruptivité dans le milieu de la science-fiction qu'a créé la formation de la Red Team? Moi, ça m'est totalement égal parce que je peux pas être touché par des slogans qui se résument finalement à la guerre c'est mal, le racisme non merci. C'est la bête aboyeuse hein, que stigmatisait Federico Garcia Lorca, qui lui par contre a payé de sa personne pendant la guerre. Donc les gens qui parlent et qui ne font pas me laissent totalement indifférent. Fabienne Cazoli, est-ce que vous avez vous-même été entendu ou été sensible à ces échos parfois assez belliqueux, si je vous me permettez ce mot-là? Non, je n'ai pas été aussi exposée. Hein. Je n'ai pas non plus, publié sur les réseaux sociaux le fait que je participais ben de loin à ce projet. Je pense que ça peut effectivement susciter le débat. Tant que c'est un débat, c'est bien. Si c'est l'invective, c'est moins bien. Mais bon, comme je ne suis pas très active sur Facebook, ça ne m'a même pas fait gagner du temps, cette affaire. On va parler en tout cas de vos travaux, de la façon dont vous avez travaillé, de la façon dont on commence à penser bien le futur, des conflictualités futures, ce qu'attend l'armée de vous, ce que vous pouvez en dire. Et puis on peut peut-être essayer de voir ce que vous pouvez ne pas en dire aussi. France Culture, la méthode scientifique. Nicolas Martin. Et à 16h30, nous parlons donc de la Red Team, de cette équipe d'auteurs, d'autrices, de scientifiques, d'illustrateurs également. Hein. François Scutten fait partie de la Red Team. On pourrait citer Virginie Tournet, qui est directrice de recherche CNRS en sciences politiques. Donc Xavier Mauméjean, Laurent Genefort, Romain Lucaso aussi, qui est venu à ce micro. Je ne vais pas tous les citer, on va vous mettre la liste. Jeanne Bréjon, qui est étudiante en design d'interaction. Bref, voilà, cette équipe qui est en charge pour l'armée de penser des conflictualités futures en dehors de ce que l'armée est capable elle-même de produire en matière de prospective. Alors concrètement, Xavier Mauméjean, comment ça se passe? Quelles sont les directives? Comment on vous a demandé de travailler? Quelles sont les libertés? Quelles sont les contraintes? En fait, on a donc eu un thème qui était les pirates, qui a été décliné de deux manières différentes par ce qu'on va appeler, pour faire simple, l'équipe A et l'équipe B, sont de manière très intéressante et ça permet d'expliquer, je pense, l'intérêt de cette approche. On a eu deux déclinaisons différentes, ce qui montre que, en fait, la Red Team ne s'intéresse pas tant à l'avenir qui la relève de la prévision plutôt que qu'au futur et au futur au pluriel, au futur alternatif, au futur composite, ce qui permet justement de multiplier les approches. Alors donc, à partir de ce thème commun, on a travaillé par team, par sous-team, je dirais. Donc moi, avec mes camarades Xavier Dorisson et Dewa, alors très concrètement, comme avec Dorisson et Dewa, on est habitués les trois à travailler pour France Culture, la télévision, le cinéma, la bande dessinée, ça a été très facile de travailler ensemble. C'est-à-dire que on fonctionnait un peu en stop ou encore, quelqu'un lance une idée, oui, on continue, non, on arrête, etc. Ce qui était un travail collectif et qui est très intéressant parce que ça demande une part de créativité individuelle, bien sûr, mais qui est au service de l'ensemble. Donc il faut savoir couper, il faut savoir renoncer pour le bien de l'ensemble du projet. C'est franchement intéressant. Mmh. Et concrètement, ça a fait des allers-retours avec l'armée. On vous a dit ça oui, ça non. On vous a dit, à part les pirates, on vous a donné des attentes précises en disant il faut que vous alliez, je sais pas, jusqu'à telle date. Et quels étaient les enjeux justement qui étaient posés sur cette table de la création collective? Ah non, on a été très libre. On faisait exactement ce que l'on voulait avec le soutien des experts militaires pour tout ce qui relevait de la technique et de l'ingénierie, donc la Blue Team, mais aussi des experts en anthropologie, etc., qui est relevé de le PSL. Non, on a été très. Par contre, avant la présentation publique, on a fait deux petites coupures dans notre scénario parce que c'était peut-être un peu trop chaud et finalement un peu trop d'actualité. On est tombé très près en fait. Donc il a fallu couper sur la Turquie, c'est ça ? Ouais. Et d'autres choses aussi. Et d'autres choses aussi que vous n'avez pas le droit de nous dire. Laurent Genefort, expliquez-moi de votre côté comment vous avez travaillé. Un peu de la même manière, c'est-à-dire pareil, un peu avec une team avec donc Virginie Tournaire, Romain Lucaso et puis deux anonymes. Voilà. Hermès et Capitaine Numericus. Voilà. Et en fait, ça s'est extrêmement bien passé. En fait, on s'est révélé une équipe et on se révèle toujours une équipe extrêmement soudée. C'est pour ça que ça fonctionne aussi bien. En fait, on a parfaitement matché, comme ça arrive rarement, je pense. Moi qui m'interrogeais sur ma capacité à travailler en collectif, je suis romancier, c'est-à-dire je suis un clavicole. Je vis en me nourrissant des miettes qui sont collées entre les touches de mon clavier. Donc tout à coup me retrouver avec des gens, et ben c'était génial en fait. D'accord. Ça a très bien marché. On a eu très très peu pour la saison 0, on a eu très peu donc la Pination. Mm-hmm. On a eu quasiment aucun milieu. Les militaires, on les a eu en entrée et en sortie, mais pendant, on ne les a quasiment pas vus en fait. Donc on a été d'une très très grande liberté. Alors l'animateur de PSL, lui, il était en communication avec les militaires, mais plutôt pour être sûr de qu'on répondait un peu aux charges prospectives. Mais en fait, c'est un peu prospective, c'est-à-dire. Je sais pas trop parce qu'en fait, on nous a laissé tranquilles là-dessus. Mais en fait, c'est un peu ça le nœud du truc, c'est qu'en fait, on est des auteurs de science-fiction, mais on a une sorte de travail un peu hybride. C'est-à-dire que on est des auteurs de SF, mais on ne fait pas un roman de SF. On fait un travail qui est à mi-chemin entre la fiction ou disons que c'est de la fiction, mais qui est traité. Qui peut être traité par l'armée comme de la prospective. C'est une sorte de jeu un peu à double étage comme ça en fait. Donc c'est d'autant plus intéressant cette espèce de lien avec la réalité. Il est à ce niveau-là, il est dans le fait que les scénarios seront jouables. Voilà. Et alors du coup, ce qui est intéressant, c'est que est-ce que vous disiez tout à l'heure, Laurent Genefort, que votre objectif c'est de jouer les méchants, c'est-à-dire de mettre l'armée à mal, de lui proposer des scénarios auxquels elle n'est pas préparée. C'est intéressant d'ailleurs parce que on en reparlera tout à l'heure, mais dans votre scénario, vous avez envisagé ce que vous appelez un enfer opérationnel avec cette ville de Lagos sur l'eau. C'est ça. Bon, oui. On en reparlera tout à l'heure. Mais du coup, est-ce que l'armée est censée répondre à ça? Est-ce qu'elle va avancer ses pions aussi un peu à la manière d'un jeu de stratégie? Alors en fait, le jeu de stratégie, je parle sous le contrôle de Xavier, pour rester dans le bingo. Vous l'avez vu, donc. Oui. Ok. Du coup, j'ai perdu ce que je voulais dire. Est-ce que l'armée doit répondre dans le jeu de stratégie? Alors en fait, ça se passera après notre travail. D'accord. Nous, notre travail, c'est de créer des scénarios qui soient réaliste quand même, c'est-à-dire que on doit rester dans un cône de vraisemblance, mais c'est tout. Une fois que l'animateur PSL, lui, c'est lui, dans son dialogue avec l'armée, il définit le cône de vraisemblance. C'est ça en fait. Mmh. Et c'est là où on peut éventuellement être recadré, mais sachant que on a beaucoup de documentation, qu'on a affaire à des experts, par exemple pour la création de la Pination, on a eu un universitaire qui est venu nous parler de l'histoire des pirates, un autre qui nous a fait un cours sur la pisciculture et l'aquaculture, voilà. Mmh. Donc en fait, on a beaucoup de documentation en fait. Xavier Mauméjean, sur cette réponse éventuellement de l'armée, et puis on entend, vous avez parlé tout à l'heure de la Blue Team, on a dit la White Team avec Fabienne Cazoli, il y a aussi une Purple Team, il faut que vous nous expliquiez en fait quels sont les acteurs et quels sont l'ensemble des teams et des équipes qui s'affrontent sur ce terrain virtuel. Alors oui, bon, la Purple Team, c'est effectivement une autre équipe en renfort d'agents civils qui sont de spécialistes civils qui sont accrédités. Alors, concernant l'usage que peut en faire l'armée de ces scénarios, tout du moins les deux qui ont pour l'instant été produits et qui, ne l'oublions pas, sont en grande partie publics. Hein, donc, oui. On a un peu calmé le jeu, mais Par exemple, le scénario de la P-Nation a posé un vrai problème aux marins, qui est comment poursuivre un ennemi dans une espèce de cité flottante de Hong Kong multipliée par 100. Et pour le scénario qu'on a conçu avec Dorisson et DOA, on leur a posé en fait un problème moral, un problème éthique, c'est-à-dire si la chaîne de commandement, de décision est respectée de bout en bout et que ça conduit à une catastrophe et que tout le monde est de bonne foi et qu'on ne peut pas juger qui est véritablement un ennemi parce qu'il n'y a pas intention de nuire, comment faire ? Est-ce que ça ne remet pas en cause l'ensemble des protocoles, les chaînes de décision, la responsabilité individuelle ? C'est ça qui leur a plu. Donc, en fait, dès les deux premiers scénarios, et ça qui sont civils, on a justifié la raison d'être de la Red Team qui est de causer problème. Voilà. Mais est-ce que l'armée va répondre à ces problèmes ? Est-ce qu'elle-même va produire des scénarios de réponse auxquels il va falloir vous adapter ? Ou est-ce que c'est juste un envoi à sens unique ? Ensuite, c'est l'armée qui dispose et puis ils en font ce qu'ils veulent et vous, vous passez à autre chose, Xavier Moméjean ? Dans tous les cas, c'est elle qui dispose. Mais ce qui est intéressant, c'est déjà qu'elle réagit, qu'elle tire de scénario. Laurent l'a très bien dit tout à l'heure, il ne s'agit pas de roman. Il ne faut pas attendre une intention littéraire. Ce sont des scénarios avec la sécheresse, la précision qu'on attend d'un scénario. Donc, à partir de là, elle a réagi. Elle a, si vous voulez, elle a dégagé des problèmes de la gang science-fiction pour retenir des questionnements stratégiques dans le cas de la P-Nation ou dans des questionnements moraux et d'infrastructure dans le cas du scénario B. Mmh. Non, elle y voit déjà un intérêt. Mmh. On va évidemment détailler vos deux scénarios rapidement. Juste, Fabienne Cazoli, vous, sur ces deux scénarios publics, comment les avez-vous reçus et quelle a été votre intervention en tant qu'observatrice ou que comité d'éthique, finalement, qui chapeaute cette Red Team ? Vous avez compris, les auteurs sont assez libres. Donc, ce sont les animateurs de PSL, en fait, la Black Team, qui font l'interface avec l'armée essentiellement. Hein. Moi, je voudrais rapporter l'expérience que j'ai eue. On a reçu à l'Observatoire de Paris un certain nombre des membres de la Red Team et puis des représentants de l'armée, différents corps d'armée, aviation, sous-mariniers, etc. C'était en octobre, hein, pour préparer la présentation, la sortie au moment à l'agence aux journées Innovation et Défense. Et j'ai trouvé ça, ce dialogue sur les scénarios entre les auteurs et puis les militaires, extrêmement intéressant. Parce que c'était vraiment un dialogue. Les militaires s'appropriaient vraiment ces scénarios. Et en fait, je ne sais pas s'ils étaient complètement mis en défaut, mis en surpris. Eux-mêmes avaient déjà réfléchi sur certaines de ces idées, et puis c'était intéressant de les voir en disant oui, là, on serait vraiment en difficulté face à l'opinion publique, face à la chaîne de commandement, et c'était c'était pour eux, ça aurait même pu aller plus loin, je pense, pour les titiller un peu. Alors je sais pas comment ça s'est développé depuis, mais j'ai senti que eux-mêmes étaient déjà dans cette démarche. Et c'était vraiment intéressant. Mais manifestement, ça a pu aller un peu plus loin, puisqu'il y a eu la saison 0 et la saison 1, et la saison 1 a l'air d'être immédiatement, qui a commencé en janvier 2021. Enfin, il y a des projets qui ont été classés secret défense. On en reparlera tout à l'heure. J'aimerais qu'on prenne le temps un peu maintenant de raconter ce que sont ces scénarios. Alors, plouf plouf, par lequel on commence. On va commencer avec vous, Laurent Genefort. La P-Nation, c'est quoi cet enfer opérationnel pour les armées françaises que vous avez mis sur la route des militaires français? Ça se passe en plusieurs étapes, avec notamment, à un moment donné, une prise d'assaut de la base de Kourou en Guyane. En fait, la prise d'assaut de Kourou est notamment, qui a pour but de faire une sorte de affirmative action pour montrer qu'elle est une nation. Elle a monté en tension en fait pendant une quinzaine d'années, et elle est en gros formée, c'est le résultat de l'anthropocène, d'un anthropocène avancé en fait, c'est-à-dire une aridification des centres continentaux, une submersion des côtes et ces migrations qui sont écologiques et politiques vont arriver sur l'eau, vont arriver sur les côtes, mais des côtes qui sont déjà ravagées en fait. Donc ils n'ont pas la place, ils vont devoir aller former des cités lacustres d'abord et puis aller plus loin en mer. Et finalement devenir pirate par nécessité. Même si il y a un versant idéologique qui est le refus de la puce, puisqu'on imagine un puçage généralisé à partir de 2035, pour des raisons sanitaires. Ah bah voilà, encore une fois, on avait un peu anticipé la chose. Mais aussi de contrôle d'un resserrement national un petit peu partout avec des replis identitaires. Et en fait, ce refus conjugué donne naissance à cette force qui va se constituer, qui va avoir une première victoire en donnant un assaut, et puis qui va se prendre en prendre son envol jusqu'à attaquer Kourou, donc qui est un projet, donc le projet de l'ascenseur spatial. Qui est européen, mais sur un territoire français. Bien sûr. Et cette P-Nation, elle va s'allier à une puissance étatique pour détruire la Ariane Heavy, qui a pour charge de mettre en orbite le dernier élément de production du câble de l'ascenseur spatial. Donc à partir de là, les nations vont devoir négocier avec elle, tout simplement, parce qu'elle elle est capable de se défendre, enfin d'attaquer et donc de se défendre et donc de devenir un interlocuteur. Et c'est intéressant, on peut s'arrêter sur cette première étape qui est la prise d'assaut de la base de Kourou en Guyane, parce que vous la décrivez vraiment justement, là c'est ça illustre ce que vous me disiez tout à l'heure, c'est-à-dire vraiment c'est un vrai enjeu pour les forces militaires françaises parce qu'ils vont être totalement débordés par la multitude. Ils vont être débordés par deux choses, par la multitude d'abord parce qu'on est sur la côte en fait, et que les côtes elles ont été préemptées déjà par la P-Nation en fait. La P-Nation elle ne fait finalement que qu'asseoir un pouvoir qu'elle a déjà. Par contre, ce qui est nouveau et ce que n'a pas vu l'armée française, c'est cette alliance de la P-Nation avec un État qui va lui fournir un railgun, c'est-à-dire un canon à hypervélocité qui va lui permettre de dégommer cette Ariane Heavy, ce que a priori elle n'était pas capable de faire. En fait, l'élément de surprise stratégique, il est là, en fait, il est dans la capacité de destruction qui n'avait pas été prévue. Mais pas parce que la P-Nation est devenue suffisamment puissante pour l'avoir, mais parce qu'elle a su négocier. Avec quelle nation ? Alors, on ne le dit pas. Mais enfin, ce n'est pas encore. Tout n'a pas été encore résolu dans cette affaire parce que on est dans le pouvoir du fait accompli là en fait. Et donc ça c'est une première victoire. Cette nation pirate, elle va se développer au fur et à mesure. Elle va devenir finalement une grande nation d'apatrides, de migrants climatiques, de gens qui refusent. C'est ça en fait. En fait, ce qui est intéressant dans le scénario, c'est la notion de territoire liquide. Et c'est en ça qu'on a challengé l'armée aussi. C'est lui dire, voyez, voilà. Il y a l'armée de terre, l'armée de l'air, la marine, etc. Qu'est-ce qui se passe quand vous devez intervenir principalement dans des bayous, principalement dans des zones qui changent tout le temps, qui sont ravagées par des tempêtes, parce qu'on est dans un futur avec une augmentation de tempêtes qui ne se résorbent pas, etc., etc. Donc en fait, c'est à ce niveau-là en fait que le point de rupture Il est consommé. Voilà, il est consommé. Et donc, à partir de là, il y a une sorte d'institutionnalisation de la P-Nation, parce que une nation ne peut pas vivre uniquement justement de piraterie, parce que tous les États se ligueraient contre elle, en fait, tout simplement. Et il va y avoir une institutionnalisation. Elle va ouvrir des comptoirs un petit peu partout. Et à un moment, une de ces factions va vouloir se territorialiser, c'est-à-dire prendre en l'occurrence la Manche. Donc elle va attaquer le couloir maritime de la Manche et pour s'approprier littéralement ce territoire. Donc cette territorialisation va plus ou moins signer sa perte, Voilà. Et pour conclure brièvement, cette ville, cet enfer opérationnel que vous décrivez, c'est qu'à un moment donné, il faut que l'armée française intervienne sur cette ville qui est une sorte d'extension un peu cyberpunk sur l'eau de ville, de containers, de bateaux, à moitié cimetière de bateaux. Et là, pour le coup, c'est un vrai enfer tactique. C'est un enfer tactique, mais tel que les militaires le connaissent déjà. Parce qu'en fait, c'est un enfer tactique parce que les pirates arrivent avec leur famille. Et en fait, c'est une intrication du militaire et du civil. Et l'enfer opérationnel, il est là, en fait. Mais aujourd'hui, c'est le cas de toutes les guerres. Une intrication du militaire et du civil presque à tous les niveaux, en fait. Donc là, on n'a pas été très, très novateur là-dessus. Mais le but, c'était pas d'être novateur. C'est intrinsèque à la P-Nation, en fait. Ça, c'est l'un des premiers scénarios. Le deuxième scénario, il s'appelle Barbaresque 3.0. Xavier Mauméjean, c'est à vous de nous raconter ce qui se passe. Vous, le théâtre des opérations, c'est plutôt la Méditerranée. Oui, alors, c'est la Méditerranée. Et avec Xavier Dorisson et DOA, on a voulu quelque chose qui soit réaliste et qui s'apparente un peu à ce que peut produire, par exemple, Tom Clancy, ou enfin des projections proches. Alors, et surtout, on a voulu monter un CAS phénoménal. Donc, le contexte, c'est en effet la Méditerranée avec une balkanisation des pays de la côte nord-africaine, mais aussi de la Libye, de la Syrie. Enfin, c'est des projections des prolongements de ce qu'on peut connaître déjà en partie, avec un pouvoir fort qui est la Turquie, des problèmes au canal de Suez, tiens, là aussi on recoupe avec l'actualité. Oui. Et tout cela conduit à la présence très importante sur les mers d'agents non gouvernementaux et de sociétés militaires privées, donc des mercenaires qui assurent la sécurité de convois, et notamment de convois marchands qui ne sont plus habités par des équipages qui sont robotisés. Et ils sont conduits à distance, notamment par des systèmes qui sont l'équivalent un peu des travaux d'Elon Musk en ce moment sur le Neuralink, vous savez, les connexions homme-machine. Donc ça, c'est le contexte, et l'armée va suivre le mouvement, et donc elle va proposer un équipement qui s'appelle le NETAM pour Neuro-Terre-Mer et qui permet de coupler l'individu et la machine de manière à mieux contrôler des équipements, des blindés, des exosquelettes, etc., d'avoir des banques de données lorsque les forces spéciales sont en mission, d'avoir des infos en direct. Seulement, voilà, s'il y a un couplage homme-machine, il y a des problèmes de conscience, donc l'armée va développer un système de contrôle du stress, du régime, des relations sociales dans les réseaux sociaux, ailleurs ou dans le parc spatial militaire, etc. Autrement dit, plus on connecte les consciences aux machines, plus le risque de piratage arrive. Et donc, nous, on a décliné la notion de pirate sur tous les fronts, c'est-à-dire qu'il y a des abordages, mais il y a aussi des pirates informatiques. Lorsqu'ils poussent leur action, ils vont spéculer aussi sur la bourse, puisqu'ils savent eux ce qu'ils vont faire, donc ils vont jouer le marché. Et tout ça va conduire à ce que un convoi de navires à la fois français et italiens assure la sécurité d'un chargement de lithium, donc qui est une donnée très importante, on le sait bien, et l'ensemble des connexions de l'équipage va être piraté. On va brouiller leur perception de leur réalité, leur envoyer des messages contradictoires, leur envoyer des messages d'attaque, jusqu'à ce que le navire français tire sur le navire italien. Les intelligences artificielles à bord prennent le relais, ça finit en bataille navale non prévue. Et donc, c'est ce que je vous disais, ça conduit en réalité l'armée à réfléchir à « et si toutes les étapes de la chaîne de commandement sont respectées et que personne voit qu'il y a un faux message, qui est coupable, qui est responsable, comment réparer et où va la faute ?» Et c'est ça, en fait, qu'on a voulu mettre en avant autour, enfin, d'un personnage qui voilà. nous est cher, qui est Alia Ensadi, une chef pirate charismatique. Oui, je vous en prie. Ah, on a perdu Xavier Mauméjean. Je crois que Xavier Mauméjean, vous m'entendez oui, toujours? Vous m'entendez? Oui, bien sûr, allez-y, je vous en prie, vous pouvez nous dire un mot pour conclure rapidement sur ce personnage. Alors, Eliane Sadi, c'est une chef pirate charismatique. En plus, l'actrice Séverine Berthelot a eu la gentillesse de la jouer. Et donc, elle va rassembler autour d'elle tous les défavorisés, parce qu'il y a aussi une dimension sociale, à qui va bénéficier cette énorme casse sur le lithium. Cela, en plus, commandité par une nation de l'ombre qui s'avère être la Chine, on l'a nommée. Vous l'avez nommée. Oui. Voilà pour les deux scénarios qui sont en effet l'un et l'autre assez passionnants. C'était pour la saison 0. Qu'en est-il aujourd'hui de la saison 1 qui a débuté au mois de janvier? Quel est le thème de cette saison, Fabienne Cazoli? Vous pouvez nous le dire? Ah, ça, je ne suis pas autant au courant que les auteurs. Alors, Laurent Genefort, quel est le thème de cette saison? Mais je ne sais pas si je peux vous le dire, en fait. Ah, Xavier Mauméjean, est-ce que vous pouvez nous le dire, le thème sur lequel... Moi, je sais que je ne peux pas vous le dire. Ah, d'accord. Vous ne pouvez pas nous dire sur quel thème vous réfléchissez. C'est, moi, ça doit être pareil, alors. Bon, c'est que ça doit être à peu près pareil. Il y a beaucoup de... Alors, ce que vous ne pouvez pas nous dire, peut-être vous pouvez nous dire s'il y a beaucoup des scénarios qui ont été produits, beaucoup de choses qui ont été caviardées ou en tout cas qui ont été classées secret défense. À partir de maintenant, finalement, ces deux premiers scénarios, c'était pour présenter le travail. Maintenant que ce travail a été présenté, on ne va plus trop savoir ce qui se passe, Laurent Genefort. En fait, on ne sait pas trop... comment ça va se passer. C'est-à-dire que tout dépend du matériau qu'on va utiliser, en fait. C'est tout dépend du matériau. Et aussi du développement, s'il est problématique, si le développement, si ce qu'on va produire est problématique il faut pas dévoiler aux puissances étrangères ce sur quoi on travaille quand ça peut avoir réellement un impact sur un changement de doctrine ou un changement stratégique. Même si malgré tout ce que vous nous décrivez l'un l'autre est quand même relativement, on est encore relativement là, oui, loin de la réalité dans ces oui dans ces oui choses-là. Oui sur la saison 0 c'était plus une sorte de banc d'essai pour savoir si on était déjà capable en fait de d'imaginer le futur dans le cadre donné en fait. À part peut-être sur la Turquie, Xavier Mauméjean. Oui, alors sur la Turquie, effectivement, et sur autre chose, on a été... Mais c'est normal, hein, c'est le jeu. Alors, par contre, pour compléter ce que dit Laurent, ce qui est très important aussi dans la saison en cours, donc celle qui est Secret Défense, c'est qu'on travaille de manière très proche avec la Blue Team, donc les spécialistes en technique et ingénierie de l'armée. Donc, en effet, comme le disait Laurent, c'est à partir de matériaux et d'expertise qu'ils nous proposent. Donc, il va de soi que... si on doit dériver vers la crise à partir des matériaux militaires, ça peut être que Secret Défense. Évidemment. Un mot de conclusion, Fabienne Cazoli, vous allez continuer à surveiller. Ça prend beaucoup de temps, cette activité de White Team. Est-ce que c'est un vrai plaisir et de professionnel et d'amatrice de science-fiction d'être superviseuse de ces projets-là? C'est un vrai plaisir, c'est sûr. Alors, j'espère qu'on va enfin pouvoir rencontrer, disons, l'ensemble des auteurs, hein, parce que pour l'instant, ça a été un peu compliqué, pour des raisons évidemment sanitaires, mais j'espère bien assister au prochain atelier de travail en particulier. Voilà. Et puis, je veux juste dire deux mots sur les scénarios dont on a parlé. J'ai trouvé les Barbaresques 3.0 assez glaçant parce qu'il est tellement réaliste et vraisemblable que c'était quand même inquiétant. Enfin, inquiétant. Voilà. Et comme on va faire plus difficile encore, j'attends de voir. Merci infiniment à tous les trois. Merci Fabienne Cazoli, merci Xavier Mauméjean. On trouve votre biographie, votre livre sur Henri Darguer dans les royaumes de l'irréel, c'est aux Forges de Vulcain. Laurent Genefort, Colonie, le cycle de l'homme d'Omal, évidemment tout ça au Bélial, l'espace entre les guerres. Aux éditions Critiques. Merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique, à Vétienne, Alexandre Morales, Éléonore Pérez, Antoine Beauchamp, Dominique Naguette, Saint-Vulfranc, Céline Lozen, Olivier Bétard à la réalisation, Clément Daté à la technique. La semaine prochaine, dans le laboratoire de La Méthode Scientifique, lundi, nous vous parlerons des enfants prématurés. Mardi, il sera question des hadrons exotiques. Mercredi, nous parlerons des nouvelles technologies appliquées à l'archéologie. Jeudi, ce sera une table ronde et une discussion autour des mauvais résultats à l'international de la recherche française. Et vendredi, notre table ronde d'informations scientifiques et de la recherche. Demain à 16h, vous retrouvez le camarade Étienne Klein. Nous, on se retrouve lundi à 16h jusqu'à preuve du contraire.